Pour la propre sécurité du conducteur et celle des autres usagers, certaines maladies sont incompatibles avec la conduite automobile. Il peut s'agir d'une hypertension très élevée, de certains diabètes, de problèmes épileptiques, d'une insuffisance cardiaque, de problèmes oculaires graves tels que la perte d'un œil, par exemple. Cette liste n'est malheureusement pas complète. Dans de nombreux cas graves, une visite médicale auprès d'un médecin agréé est alors obligatoire. Réponse A et C.